Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. La Grèce est-elle sauvée? En a-t-elle vraiment fini avec la terrible crise qui l'a frappée? C'est ce que l'on murmurerait à Bruxelles, mais aussi dans les cercles dirigeants d'Athènes. Qu'en est-il réellement? J'ai trouvé au début du mois, dans le journal Le Monde, un titre qui résume bien la situation actuelle du pays. La Grèce va mieux, les Grecs pas tellement. Car s'il est vrai que le chômage fléchit légèrement, il touche encore 57% des jeunes. Rassurez-vous, M. X n'a nullement l'intention de nous asséner un cours d'économie. Et s'il a décidé aujourd'hui d'évoquer la Grèce, c'est qu'il a voulu remonter aux racines lointaines de la crise grecque et donc aux déchirures de la Seconde Guerre mondiale et de la sanglante guerre civile qui a suivi. Avec, pour commencer, ce terrible constat de tous les pays européens occupés par les nazis, c'est, en dehors de la Pologne et de la Russie, incontestablement la Grèce qui a le plus souffert. Mais alors que la résistance grecque a été aussi l'une des plus efficaces et les plus redoutables dans sa lutte contre l'occupant, la libération s'est traduite par une féroce répression contre ceux-là même qui venaient de délivrer leur pays du joug nazi, avec le concours des forces alliées, essentiellement britanniques. Et qu'en est-il ? Des réparations que l'Allemagne se serait abstenue de payer après la guerre, une dette bien réelle ou un fantasme? Monsieur X commence par analyser cette délicate question. Rendez-vous avec X. La dette de guerre de l'Allemagne est une question toujours latente en Grèce. Et elle revient avec acuité dans le débat politique actuel. Oui, d'autant que la Grèce dépend des aides financières de l'Europe et donc de l'Allemagne. Oui, et qui rechigne particulièrement à octroyer des crédits supplémentaires à la Grèce. C'est pourquoi de nombreuses voix s'élèvent dans le pays pour clamer, enfin je simplifie, le créancier n'est pas celui qu'on croit. Très récemment, l'un des héros de la résistance grecque, Manolis Glezos, l'homme qui a arraché le drapeau nazi qui flottait sur l'acropole, a déclaré « Ce n'est pas nous qui devons de l'argent aux Allemands, c'est eux qui nous en doivent ». Et il a évoqué un chiffre astronomique, 1 000 milliards d'euros. C'est sérieux ? Pas trop, non. Mais il y a quand même un fond de vérité, si j'en crois par exemple l'ex-eurodéputé Daniel Cohn-Bendit. Au début de cette année 2014, il a ainsi interpellé les dirigeants allemands dans le cadre du Parlement européen. Les Allemands, qui ne veulent pas financer un second plan de sauvetage de la Grèce, devraient se souvenir de tout ce qu'ils ont pillé dans ce pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lui, il a estimé la dette allemande à 81 milliards d'euros. Ouais, c'est quand même moins. Mais enfin, c'est quand même considérable. Hein. Et comment justifier la réalité de cette dette? Ah, écoutez, je vais vite. Hein. Dès avril 1941, c'est-à-dire quand la Wehrmacht envahit la Grèce, les militaires allemands se livrent à un pillage systématique des ressources du pays. Ouais, cela, c'est difficilement chiffrable. Ah, mais il n'y a pas que ça. Les nazis ont imposé à la banque centrale grecque un énorme prêt de presque 500 millions de Reichsmark au titre des contributions à l'effort de guerre. Mais bien sûr, cet emprunt ne sera jamais remboursé. Et curieusement, après la guerre, lorsqu'il s'est agi de fixer les dettes extérieures de l'Allemagne, l'accord de Londres n'en a pas tenu compte. Un oubli ? Non, c'était déjà la guerre froide. Et les vainqueurs ne voulaient pas accabler un vaincu qui serait demain un allié face à la menace communiste. En outre, dans le cadre du plan Marshall, les pays qui ont bénéficié de cette aide américaine ont dû signer un traité repoussant la revendication d'éventuelles réparations au jour où l'Allemagne serait réunifiée. Mais ce qui a fini par arriver en 1990. Oui, hein, mais le chancelier Kohl, sous divers prétextes, a alors obtenu de ne pas honorer ses engagements. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Et de nombreux Grecs ont le sentiment d'avoir été victimes d'une injustice, car en n'ayant jamais été remboursés, ils ont l'impression d'avoir contribué, malgré eux, au miracle économique allemand. Oui, alors que l'Allemagne, leader économique actuel de l'Europe, vient de leur imposer une politique d'austérité. Et ce qui accroît encore leur sentiment d'être traité d'une façon injuste. Alors, si vous le voulez bien, refermons cette parenthèse et remontons à la source, c'est-à-dire à la genèse de la guerre en Grèce. Et d'abord, quelle était la situation politique du pays juste avant la Seconde Guerre mondiale ? Après une longue période de confusion et l'échec du conflit avec la Turquie, la monarchie est restaurée en 1935 et le roi, George II, ne tarde pas à confier les pleins pouvoirs au général Metaxas, chef d'un parti fascisant. L'Assemblée est dissoute et les communistes sont arrêtés et déportés. Oui, c'est la dictature. Oui, en octobre 1940, Mussolini, qui a déjà envahi l'Albanie, attaque la Grèce. Mais alors qu'en Albanie, ses troupes n'avaient guère rencontré d'opposition, il en va tout autrement en Grèce. La Grèce qui a, par ailleurs, une longue tradition de résistance et de guérilla. Oui, au moins depuis la guerre contre les Turcs. Hein. En effet, c'est même si vrai que les Grecs réussissent à repousser les troupes de Mussolini. Et ça n'arrange pas du tout son allié Hitler. Et pourquoi ? Parce qu'il craint que l'échec italien en Grèce ne compromette son offensive en direction des Balkans. Le roi George II, qui a compris que son pays était menacé, appelle alors à l'aide la Grande-Bretagne. Ouais, l'allié traditionnel. Hein. Oui, depuis la guerre contre les Turcs au XIXe siècle. Les Britanniques ont toujours eu l'œil sur la Grèce. On en aurait une nouvelle illustration à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Churchill répond-il à cet appel au secours ? Il n'est pas très enthousiaste, car il a fort à faire en Europe et même sur le continent africain, en Libye. Mais il envoie quand même un contingent de 50 000 soldats en mars 1941, ce qui n'empêche pas la Wehrmacht de commencer à envahir la Grèce au début du mois d'avril, avec la complicité de son allié bulgare qui lui a ouvert la frontière macédonienne. Et les Grecs résistent. Oui, mais affronter la Wehrmacht, c'est autrement plus difficile que de vaincre les troupes italiennes. D'autant que l'armée grecque est en pleine décomposition et que ses généraux sont plutôt germanophiles. Aussi, ces derniers s'empressent-ils de capituler ? Et c'est l'un d'eux, Tsolagoglou, qui prête serment en tant que premier ministre de la Grèce occupée après la prise d'Athènes à la fin avril. Et les Britanniques, alors ? Leurs soldats sont évacués en catastrophe avec les forces armées grecques restées loyalistes. Et où se replient-ils, alors ? Ils mettent le cap sur le Caire, en compagnie du roi, et avec tout l'or de la Banque de Grèce. La situation du pays est alors catastrophique, car son territoire est démembré. Les Italiens occupent les îles ioniennes, les Bulgares se sont emparés de la Macédoine orientale et d'une partie de la Thrace. Et les Allemands imposent leur férule sur la Crète, Athènes, le Pirée, une partie de la Macédoine, Salonique et les îles de la mer Égée. Ouais. L'armée a rapidement capitulé, mais est-ce qu'on voit apparaître des mouvements de résistance ? Très vite, oui. Auparavant, deux observations. Au cours de l'hiver 41-42, c'est-à-dire 6 mois après l'invasion, une terrible famine décime la population. Et pour quelle raison ? C'est d'abord dû à la désorganisation administrative et aux restrictions imposées par l'occupant sur les déplacements des Grecs. Cela entraîne un effondrement des réseaux de distribution alimentaire. La Croix-Rouge estime à 250 000 le nombre de victimes directes ou indirectes de la famine entre 1941 et 1943. D'autre part, il faut noter que les troupes nazies ont agi en Grèce avec la plus grande férocité. Ils ont massacré, tenté plus et détruit entièrement maint village. Bref, on va assister à des centaines de radours tout au long de l'occupation. Et puis, il faut aussi parler des rafles de juifs. Hein. Vous avez raison. L'importante communauté juive de Thessalonique est particulièrement frappée. Sur les 77 000 juifs grecs, près de 50 000 seront déportés vers les camps de la mort. Alors, la résistance, vous me demandiez, elle se manifeste très vite. Et c'est d'abord le Parti communiste qui est à la manœuvre. Il est à l'origine de la création du Front National de Libération, l'ELAM en grec, qui se dote bientôt d'une branche armée, l'ELAS, où s'illustreront quelques capitanios. Des capitaines? Oui, des chefs de guerre valeureux, à l'image de l'un des plus célèbres, Haris Bilochiotis, et que l'on n'appelle plus qu'Haris. Ces deux structures-là, l'ELAM et l'ELAS, ne rassemblent donc pas que des communistes? En effet. Même si l'influence du Parti communiste y sera quand même dominante. Mais attention, c'est un parti communiste à la grecque, si j'ose cette expression. C'est-à-dire un parti qui ne prend pas ses ordres à Moscou et dont les militants sont parfois rétifs à la discipline du parti. Ça explique aussi pourquoi ce mouvement de résistance rassemble bien au-delà de la mouvance communiste et même de la gauche. De nombreux prêtres de l'Église orthodoxe vont ainsi devenir des andartes, comme on nomme les combattants de la résistance. Vous dites andartes? Oui, oui, je crois que ça veut dire tout simplement rebelle. Autre caractéristique de cette résistance, elle n'obéit pas à une direction centralisée, et si divers groupes sont indépendants. Ça a deux conséquences. L'une, négative, leurs actions seront parfois brouillonnes à cause de ce manque de coordination. L'autre, positive, car cette liberté va engendrer des initiatives audacieuses et un réel dynamisme dès qu'il s'agira de gérer les régions libérées. Enfin, j'y reviendrai. Enfin, il faut reconnaître que les andartes vont se battre avec un exceptionnel courage. Mmh. Mais l'ELAS n'est pas le seul mouvement de résistance. C'est exact. À côté, ou plutôt en face, car ces mouvements seront bientôt rivaux, il existe deux autres structures qui obtiendront rapidement le soutien des Britanniques. Mais enfin, ça, on en reparlera. Ouais. Les Britanniques qui n'accordent donc pas d'aide à l'ELAS. Parce que déjà, alors que la Grèce est occupée, ils craignent la possible victoire d'un mouvement largement influencé par les communistes. Enfin, un petit peu de patience. Alors, je vous parlais de deux mouvements de résistance. Ils ont été créés par des officiers républicains ou monarchistes qui ont été chassés de l'armée par le dictateur Metaxas. Ces deux mouvements sont très anticommunistes et surtout, ils ne combattront pas l'occupant avec la même énergie que l'ELAS. Et quelquefois, ça ira même plus loin. C'est-à-dire? Eh bien, ils ne couperont pas réellement les ponts avec l'occupant. Oh, alors des faux résistants? Ah oui, mais de vrais opportunistes. On va voir avec M. X quels étaient ces mouvements de résistance au comportement douteux. Auparavant, revenons sur cette terrible famine qui a frappé les Grecs au début de l'occupation allemande. J'ai trouvé ces quelques lignes dans l'ouvrage de Kate Lowe, « L'Europe barbare », paru en 2013 chez Perrin. Nombre d'historiens ont accusé les troupes d'occupation allemandes d'avoir provoqué la famine en réquisitionnant les magasins de nourriture. Mais dans la réalité, ces magasins étaient souvent pillés par les populations locales, les partisans ou des soldats isolés. Quelles qu'aient été les causes de cette famine, les résultats furent catastrophiques. À Athènes et Salonique, le taux de mortalité fut multiplié par 3. Dans certaines îles, comme à Mykonos, ce taux de mortalité était jusqu'à 9 fois plus élevé que son niveau normal. Sur les 410 000 décès de Grecs qui survinrent durant la guerre, 250 000 furent sans doute dus à la famine et à des problèmes liés à la faim. La situation devint si alarmante qu'à l'automne 1942, les Britanniques entreprirent une démarche sans précédent en levant leur blocus pour autoriser les navires à livrer de la nourriture à la Grèce. En application d'un accord entre les Allemands et les Britanniques, une aide alimentaire fut acheminée vers les ports hellènes durant tout le reste de la guerre et continua de l'être pendant la quasi-totalité de la période chaotique qui suivit la libération à la fin 1944. Alors, je reviens sur ces deux mouvements de résistance. Le premier, l'EDES, a été créé par un général exilé, Plastiras. Mais en Grèce même, il est contrôlé par un certain Napoléon Zervas, un obscur officier de l'armée. Son programme prévoit, en principe, l'instauration d'une république de type socialiste. En principe ? Oui, car c'est un faux-semblant. Zervas, en réalité, cultive le flou, sinon le double jeu. Avec l'occupant d'abord, et ensuite avec les Britanniques dont il s'empressera d'obtenir le soutien. Contre les LAS ? En effet. Et déjà, on voit en filigrane les prémices de la future guerre civile. Car à partir de 1943, on va assister à de graves affrontements entre les partisans de Zervas et ceux de l'Hellas. D'autant que Zervas ne va pas tarder à faire allégeance au roi Georges II. Ouais, ce que n'acceptent pas l'Hellas et les communistes. Bien entendu. Enfin, n'allons pas trop vite. Il existe aussi un autre mouvement, l'ECA, fondé par un modéré, le colonel Psaros. Mais il n'obtiendra jamais l'audience de l'EDES et surtout de l'Hellas. L'occupant nazi, enfin, comme dans les autres pays européens, s'appuie-t-il sur un gouvernement collaborationniste ? Bien sûr. C'est un pouvoir fascisant qui a repêché quelques proches de l'ex-dictateur Metaxas. Mais il existe aussi un gouvernement en exil, installé au Caire, puis à Londres, sous l'égide du roi Georges II, et qui a été reconnu par les Britanniques. Et qui a autorité sur les forces armées grecques exilées en Égypte ? Naturellement. Mais ça ne va pas sans difficulté. Car si l'encadrement est monarchiste, les soldats et les sous-officiers sont des démocrates qui refusent les ordres du gouvernement en exil et aspirent à aller soutenir la résistance grecque. En attendant, ces forces qui regroupent près de 30 000 hommes seront engagées sur le front nord-africain aux côtés des Britanniques contre l'armée de Rommel. En Grèce même, la résistance, et surtout celle de l'Hellas, obtient-elle des succès ? Oui, on constate même qu'au cours de l'été 1943, l'Hellas est au fait de sa puissance. Elle contrôle de nombreux territoires, de la Macédoine occidentale au golfe de Corinthe, tout le long de la zone montagneuse. Mais elle règne aussi sur une partie de la plaine de Thessalie, avec une escroissance en Épire, dans le massif de l'Olympe et du Parnasse, qui constitue pour les Andartès la Grèce libre. Et comme je vous l'ai laissé entendre, elle institue dans ces zones libérées un véritable état de type nouveau. Expliquez-moi. Dans les villages. Elle a procédé à l'élection de conseils municipaux, assistés de commissions pour la justice, la sûreté, l'école et l'église. Ce sont des communautés autogérées qui connaissent alors un développement que les zones rurales n'ont jusque-là jamais connu. Alors, c'est-à-dire que les partisans là, ne se contentent pas de se battre, ils entendent aussi proposer un nouveau modèle administratif, social et politique. Exactement. C'est ce qu'ils appellent la laocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Une théorie qui prône aussi l'émancipation de la femme, qui doit jouir des mêmes droits que les hommes. Tout ça est très beau, mais est-ce que ça fonctionne réellement ? Oui. Toutefois, il y a forcément des bavures. D'abord parce que l'enthousiasme révolutionnaire de certains partisans est parfois excessif. Et puis la guerre continue. Donc on va assister à des enrôlements de force et parfois à la mise en place d'une justice expéditive pour punir les collabos ou tout simplement les opposants appartenant à d'autres mouvements. Des exactions ? Oui, il ne faut pas le nier. Dans certaines zones, on pourra même parler d'instauration de la terreur quand la guerre civile menacera et que les Britanniques choisiront leur camp et soutiendront les rivaux de l'Hellas. À partir de 1943, ils se comporteront même comme si l'ennemi principal était le Parti communiste et non plus les nazis. Pourtant, tout avait bien commencé. Racontez-moi. Dès 1942, Londres a parachuté des agents du SOE en Grèce. Ouais, ces agents secrets très efficaces qui, selon les mots mêmes de Churchill, devaient mettre l'Europe occupée à feu et à sang. En collaboration avec les mouvements de résistance existants. Et c'est ce qui s'est passé en Grèce. Les membres du SOE ont préparé des opérations avec les Andartès de l'Hellas. Ensemble, en novembre 1942, ils ont par exemple coupé en deux un important viaduc de la ligne de chemin de fer reliant Athènes au nord du pays. Ils ont ainsi interrompu le ravitaillement des forces de l'Axe en Afrique du Nord durant plusieurs semaines. Un joli coup donc. Hein. Mais la suite a mis la puce à l'oreille des Andartès. Et pourquoi ? Après cette action d'éclat, les agents du SOE et leur chef, le général Meyers, auraient dû être évacués. Mais il n'en a rien été. Et ils ont même constitué l'amorce d'une mission militaire britannique bien décidée à rester en Grèce jusqu'à la fin de la guerre. Cette décision, prise à Londres naturellement, a ensuite engendré bien des tensions entre les soldats britanniques et les partisans grecs, et même de vrais conflits, surtout lorsque les chefs de l'Hellas, et le fameux Harris en particulier, ont compris que les Britanniques avaient entrepris de faire cause commune avec l'autre mouvement de résistance. Et celui de ce Napoléon Zervas, c'est oui, ça ? Oui, Zervas qui, avec l'or de Londres, a rassemblé autour de lui de nombreux officiers royalistes farouchement anticommunistes. Et donc hostile à l'Hellas. Bien entendu. Au fond, Londres appliquait une vieille stratégie qui lui avait souvent réussi, diviser pour mieux régner. C'était d'autant plus préoccupant que, militairement, c'était l'Hellas qui était le mieux à même de lutter efficacement contre les forces de l'Axe. Mais, politiquement, c'était autre chose. Les Britanniques pensaient à la fin de la guerre et étaient déjà décidés à contrebalancer le poids de la gauche. Ouais, c'est pourquoi vous parliez, là, un instant, des prémices de la future guerre civile. Ah, ça me paraît évident. Et il fallait voir cela à plus grande échelle. Avant même d'avoir vaincu Hitler, les Alliés préparaient la suite, c'est-à-dire le partage de l'Europe en zone d'influence, ce qui sera un peu plus tard acté par l'accord de Moscou en octobre 1944. Ouais. Si je comprends bien, alors, il était donc déjà prévu que la Grèce serait située dans la zone d'influence britannique. C'est ça. Et ça s'est traduit assez rapidement sur le terrain. Ordre a été donné aux agents du SOE de ne soutenir que les mouvements de résistance non communistes, ce qui a parfois provoqué de vives réactions parmi les hommes du SOE qui était à même de juger de la valeur combattante des différents mouvements de résistance. Et les chefs de l'Hellas, comment ils ont réagi ? Eh bien, tout en concevant une grande méfiance vis-à-vis des Britanniques, ils ont fait preuve de responsabilité. Quand le général Meyers leur a demandé de participer à une offensive générale contre les forces occupantes, ils ont accepté de coopérer. Mais c'était une tentative d'unification de la résistance. Oui. Car Churchill, l'été 1943, envisageait un débarquement en Europe du Sud. Et il aura lieu, effectivement, en Sicile. Hein. Oui, mais pour mettre toutes les cartes de son côté, il lui fallait fixer les forces allemandes en Grèce. Et même persuader Hitler que ce débarquement aurait effectivement lieu sur les côtes grecques. Ouais. Par conséquent, cette offensive générale de la résistance a été destinée à abuser le Führer. Exactement. Eh bien, les Andartès ont oublié leurs griefs et leur méfiance. L'Hellas a même accepté de se placer sous le commandement opérationnel du général Wilson, chef de l'état-major allié au Moyen-Orient. Seul bémol, cet accord s'est limité aux questions militaires, car les Grecs ont refusé ce qui aurait pu apparaître comme une tutelle politique. Et concrètement, est-ce que le stratagème a réussi ? Oui, l'opération Animals, son nom de code, a réellement servi de couverture à l'invasion de la Sicile par les Alliés. En perpétrant une intense campagne d'attentats, les résistants ont fait croire à Hitler que la prochaine cible des Alliés serait la Grèce, ce dont le Führer était d'ailleurs persuadé, puisqu'il avait fait construire, durant la première moitié de 1943, un immense réseau d'ouvrages défensifs et qu'il avait envoyé de nouveaux renforts. Est-ce qu'on peut considérer, alors, qu'en faisant alliance, provisoirement au moins, avec l'Hellas, les Britanniques ont mangé leur chapeau ? Certes, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Ils se sont donc résignés, au moins provisoirement, à approvisionner en armes, en munitions et même argent l'Hellas, malgré la présence en son sein de nombreux communistes. Mais ils ne tarderont pas à prendre leur revanche. Thank you. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Avant de poursuivre, je vous propose cette analyse de l'historien britannique Mark Mazower, auteur de « La Grèce d'Hitler » paru aux Belles Lettres en 2002. L'Hellas était déterminé à s'attribuer le monopole de la résistance et pour y parvenir, il terrorisait ses opposants. Mais en même temps, il était indéniablement populaire. Le radicalisme de l'époque était un phénomène complexe et paradoxal, fait de répulsion à l'égard du passé, autant que de rêves pour le futur. Les préoccupations quotidiennes de la guerre ne laissaient pas beaucoup de temps aux partisans pour réfléchir sur ce qui allait se passer après la libération. Bien que le communisme n'ait jamais été aussi populaire, les communistes restaient une minorité. Au sommet du mouvement, les prouesses accomplies par l'Hellas sur le plan social allaient de pair avec une singulière indécision politique. À la base, les réalités de chaque région, de chaque village, l'emportaient sur l'intérêt général. Les conditions particulières, la géographie et les personnalités de chaque localité rendaient illusoire le pouvoir de la direction centrale. Dans le camp adverse, la peur de la révolution à venir est devenue le ciment de l'unité. Pendant la dernière année de la guerre, les nationalistes de tout poil se sont retrouvés sous les auspices des Allemands et souvent avec la bénédiction des Anglais pour attaquer la gauche. Londres est bien décidé à lâcher définitivement l'Hellas et même à tout faire pour la combattre. Après le succès du débarquement en Sicile. Hein, oui, hein. Oui. En même temps, c'est-à-dire à l'été 1943, le gouvernement collaborationniste d'Athènes met en place des bataillons de sécurité sous prétexte de sauver la Grèce des slavo-communistes censés vouloir livrer le pays aux Bulgares. Oui, c'est une belle phrase pour désigner les rebelles, les Andartès. Bien sûr. En réalité, ces bataillons agissent de concert avec les Allemands pour pourchasser les partisans. Oui. Ben, c'est un peu l'équivalent de notre milice. Oui, à peu près. Ils recrutent parmi les groupes nationalistes déjà existants. Oui, des extrémistes de droite. Oui, et Londres n'hésite pas à leur fournir des armes. Alors que ce sont des collabos. Mais les Britanniques sont assurés qu'ils les aideront plus tard à assurer le retour du roi après la libération du pays. Oui, c'est assez machiavélique. Hein. Oui, mais enfin ça illustre le double jeu qu'ils mènent en permanence. Lorsqu'il le faut, ils font les yeux doux, partisans de l'Hellas. C'est le cas à la fin de 1943, dans la perspective du futur débarquement en France. Bah, il faut éviter que les troupes allemandes présentes en Grèce ne soient rapidement transférées sur le front ouest. De nouvelles opérations de sabotage sont donc envisagées. Oui, pour les ralentir. Et pour cela, donc, on compte sur les partisans. Oui, oui, le gouvernement grec en exil, qui est complètement inféodé aux Britanniques, lance donc un appel à la réconciliation aux héroïques Andartès. Changement de cap. Mais tout à fait provisoire. Est-ce que les chefs de l'Hellas sont dupes ? Bah non, mais ils sont coincés, car ils désirent éviter l'épreuve de force, tant avec le gouvernement en exil qu'avec les Britanniques. Alors, d'un côté, ils créent un comité provisoire de libération nationale, ce que l'on appellera le gouvernement des montagnes, parce qu'il s'appuie sur les institutions qui existent déjà dans les zones libérées. Mais d'un autre côté, ils acceptent de participer à un gouvernement d'union nationale présidé par Georges Papandréou. Avec l'accord de Londres, j'imagine. Et bien entendu. Ouais. On a l'impression que la politique de l'Hellas est bien fluctuante. Hein. Oui, car le débat est vif entre ceux qui veulent faire la révolution et les plus modérés qui, tout en refusant le retour du roi, redoutent la guerre civile lorsque le pays sera entièrement libéré. Ils n'entendent donc pas couper tout contact avec les Britanniques, en dépit du fait que ces derniers sont clairement en faveur du rétablissement de la monarchie. Ce désaccord interne est si intense que Moscou s'en mêle. Ah bon, comment ? Une délégation soviétique est envoyée auprès des dirigeants du Parti communiste grec. Et elle prend position pour les modérer. Ah ben, ça veut dire que Staline a déjà décidé de lâcher la Grèce, hein ? En tout cas, ça y ressemble. On en aura la preuve un peu plus tard lorsque Churchill et Staline signeront le traité de Moscou en octobre 1944. Enfin, n'allons pas trop vite. Entre-temps, le même débat entre révolutionnaires et modérés fait rage au Caire, au sein des forces armées grecques. Les soldats et sous-officiers s'opposent aux officiers royalistes. Ça va si loin que les premiers fomentent une rébellion en mars 1944. Mais leur mutinerie est jugulée avec l'appui des troupes britanniques présentes sur place. Et il s'ensuit une féroce épuration. Entre 15 000 et 20 000 hommes, la moitié des forces grecques du Moyen-Orient, sont envoyés dans des camps situés dans le désert. Mais c'est autant de soldats qui auraient pu servir à la libération de leur pays. Ah ouais, mais qui entravaient l'objectif de Churchill décidé à restaurer l'ancien régime. Et en Grèce même, alors, que se passe-t-il ? On y observe une aggravation de la terreur nazie avec la participation intensive des bataillons de sécurité. Et contre les partisans. Oui, mais ça se traduit par un regain de popularité de l'Hellas et du Parti communiste qui recrutent en masse. Et lorsqu'à l'été 44, les Allemands lancent une nouvelle grande offensive de nettoyage de la Macédoine occidentale, l'Hellas la contre avec succès. Pour se venger, les troupes d'occupation qui ont subi de lourdes pertes multiplient les représailles sanglantes. Un seul exemple, mais ils sont malheureusement nombreux, à Distomo, près de Delphes, une unité de Waffen-SS massacre 300 villageois. Et quand les Allemands reconnaissent-ils enfin leur défaite ? En octobre, c'est-à-dire au moment même où a lieu la rencontre entre Staline et Churchill. Une conférence au cours de laquelle il est décidé que la Grèce fera partie de la zone d'influence britannique. Et Churchill a donc les mains libres. Oui, et alors qu'après le départ des Allemands, une lutte sanglante oppose les Andartes aux collabos des bataillons de sécurité, Londres envoie des troupes pour soutenir ces derniers, sous le prétexte de sauver le pays du communisme. Et y a-t-il un début de vérité derrière cette crainte ? Non. Non, les chefs de l'Hellas, très prudents, ne comptent pas s'emparer du pouvoir. Mais ils veulent simplement instaurer un état de droit minimum face au vide créé par le départ des nazis. La preuve, c'est que dans les zones qu'ils contrôlent et administrent, l'ordre règne. Même le général Scobby, le chef des forces alliées en Grèce, doit le reconnaître. Mais bien sûr, les Andartes ont aussi envie de régler leurs comptes avec les bataillons de sécurité et les faux résistants, qui ont eu une attitude pour le moins équivoque vis-à-vis de l'occupant. Mais comme ce Napoléon Zervas, là. Hein. Autre source de conflit possible. Fin octobre 44, les officiers du Caire de retour en Grèce n'hésitent pas à se rapprocher de leurs camarades qui sont demeurés au pays sous l'occupation. Et qui ont donc collaboré. Forcément. Ils les accueillent au sein de leur association, car ces cadres de l'armée partagent le même anticommunisme et vouent un culte quasi mystique à l'hellénisme. Oui, c'est le culte de la patrie grecque. Et de la supériorité de l'Hélène, l'homme grec. Ce n'est pas un hasard si l'on voit surgir au sein de cette mouvance l'organisation X du général Grivas. Oui, c'est un mouvement secret d'extrême droite. Hein. Et on a là en germe les filières qui structureront le futur putsch des colonels. Ça, c'est en 1967. En allant toujours dans le même sens, le premier ministre du gouvernement en exil, Georges Papandréou, après concertation avec le général Scobie, décide officiellement de démobiliser les forces de la résistance. Mais, étrangement, seuls sont concernés les partisans, car on n'envisage aucunement d'épurer le corps des officiers. Ce sont donc les Britanniques qui, une fois de plus, sont à la manœuvre. Et ils ont choisi de soutenir les éléments les plus conservateurs de la société grecque. Ouais, pour faire pièce à un éventuel coup de force des communistes. Naturellement. Ouais. Mais y a-t-il des signes qui prouveraient que le Parti communiste se préparerait à s'emparer du pouvoir ? Je vous ai dit que dans les zones qui sont sous la coupe de l'Hellas, l'ordre règne. Mais il y a des exceptions. Dans certains villages, on assiste à des scènes de pillage et à des arrestations arbitraires. Et des faits qui pourraient s'interpréter comme une volonté de s'emparer du pouvoir par la force. Éventuellement. Mmh. Pourtant, à l'évidence, il n'existe pas chez les partisans de l'Hellas un système de contrôle rigoureux et centralisé. Oui, alors que tous ces hommes sont largement influencés par les communistes. Hein. Ça signifie que le Parti communiste navigue à la godille, sans suivre une ligne claire. Et vous avez une explication ? Oui, elle se trouve à Moscou. Staline, fidèle au traité qu'il a passé avec Churchill, ne veut pas se mêler des affaires grecques. D'accord, mais les Andartes, là, pourraient-ils prendre l'initiative de s'imposer et de prendre le pouvoir? Et d'abord, en ont-ils les moyens? Certains observateurs le pensent. Début octobre 1944, par exemple, ce sont eux qui libèrent Athènes. Et ils arrivent dans la capitale avant les troupes anglaises. Donc à cet instant-là, ils sont au seuil du pouvoir. D'autant que leur arrivée est fêtée joyeusement par la population athénienne. On s'attend d'ailleurs à ce que les andartestes soient rejoints par leurs camarades du Nord, qui viennent de défiler triomphalement à Salonique. Eh bien non, ils se refusent au coup de force. Alors, ont-ils raté une occasion? On peut le penser. Ils sont même si conciliants que lorsque les troupes anglaises arrivent à leur tour à Athènes, elles sont accueillies amicalement par la population. Oui, alors que les Lasses ne manquaient pas d'arguments pour dresser les Athéniens contre ces nouveaux occupants. C'est vrai, c'est vrai. En réalité, cette atmosphère euphorique de la libération dissimule bien mal les tensions qui existent. Un écrivain, le romancier Georges Théotokos, écrit même « Il suffit d'une allumette pour qu'Athènes s'embrase comme un réservoir de pétrole ». Or, que constate-t-on? Le général Ronald Scobie, le commandant des forces alliées en Grèce, un militaire austère et méprisant, multiplie les erreurs. Par exemple, il accepte que plusieurs collabos et anticommunistes notoires accèdent à des postes clés au ministère grec de la guerre. Attendez, est-ce que ce sont vraiment des erreurs? Oui, enfin là, je vois ce que vous voulez dire. Vous avez sans doute raison si on prend connaissance d'une lettre que Churchill envoie en novembre 1944 à son ministre des Affaires étrangères, Anthony Eden. Il écrit « J'attends avec certitude l'affrontement de nos troupes avec l'Hélas. Il ne faut pas que nous l'évitions. Il suffit simplement de choisir le terrain qui nous convient. » C'est extrêmement clair, non? Si les Andartès ne se décident pas à bouger, eh bien nous ferons en sorte de les y pousser et donc de nous donner un prétexte pour les réduire. Mais nous verrons cela la semaine prochaine en évoquant la terrible guerre civile qui va ensanglanter la Grèce. Quelques livres pour vous éclairer. Je vous recommande particulièrement De la résistance à la guerre civile en Grèce 1941-1946 de Joël Fontaine, et puis aussi Dans la Grèce d'Hitler 1941-1946 de Marc Mazower. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez naturellement réécouter cette émission qui a été préparée par Rebecca de Nantes, réalisée par François Aunouin et Michel Biou, et bien sûr, mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, CO2, Mon amour de Denis Chessou.